nulle part dans le temps et à n'importe quelle minute de l'espace, c'est Cosmic Cassette. Aujourd'hui, c'est Dougie qui passera sa sélection sur les magnétophones. Alors que je prépare cette introduction, je ne sais ni s'il viendra, ni s'il dira bonjour, ni s'il me laissera saupoudrer ses bandes des jingles de l'émission. Qu'importe, il sera forcément là, car même si j'en doute encore, votre présent est une preuve de l'existence de ce passé-là. Tel est l'embranchement, tel est le flux, bienvenue sur Cosmic Cassette. CQ, CQ, this is W9GFO, is anybody out there? Cosmic Cassette, Cosmic Cassette. All aboard, all aboard, clear the track, here I go. Thank you. I drive only through homogeneous, affluent neighborhoods, all the better to avoid billboards pertaining to puerile comedies about young boys who can't get laid smoking marijuana. Troisième morceau qu'on écoute là. Ouais. C'était quoi les labels, c'était quoi les groupes? C'était quoi? Sois généreux un peu. Sois généreux avec ton public. T'as un artiste de 4S. Administration de la peur, traduit. Administration de la peur, ça s'appelle? Ouais, ça s'appelle ça. Et tu les as. C'est des trucs français, c'est des trucs du monde entier ou c'est quoi? Tu t'en rappelles? C'est un label italien, je crois. If you want to identify with an artist, go right. Cassette. le meilleur morceau je trouve de cette cassette. Ouais. Sur les trucs ça fait c'est des trucs des démos en fait, des petits trucs Attends ça elle a sorti ça sur cassette comme ça. Alors faut juste faire une cassette ça. Ça c'est l'esprit cassette. Shit and shine. Thank you. Besto le machin. T'as saturé la faute. Il y a le téléphone qui sonne. C'est Pierrot. Allô. On écoute Shiten Shai. Ah oui, c'est Monophonus Press. Astral Spirit. Voilà. Je suis Cheyenne. Et l'album, c'est Shake It. Y'a quoi en bas? On rentre tout seul? Tu rentres comme dans un moulin? Il sonne. Tu sonnes, ah oui, tu sonnes, ouais, faut sonner. Thank you. Et voilà! Shit and shine. Cosmic Cassette. Et le morceau que tu vas nous donner. Là, on va se quitter, Dougie, on va se quitter. Ouais. Ça va être la dernière. C'était quoi la dernière alors, celle que tu viens de passer, c'était quoi? C'était Worker Parasite. Parasite, c'était. Je sais pas ce que c'est comme morceau. Je sais pas le type. Et le prochain morceau, là, le dernier morceau, c'est un morceau de sludge metal, je sais pas, doom avec du vocoder, voilà. Attends, je te la refais. Cassette. Thank you. Voilà, on va se quitter. Merci de nous avoir écoutés. La prochaine fois, on recevra peut-être Baptiste de Carpi Records. On recevra ou alors Antoine de AB Records. Ou alors, ce sera seulement le Cosmic Cassette de Noël, spécial Noël. Salut. Salut. Vite au revoir. Now try the game yourself. Oh, yeah.